Bonjour à tout le monde, nous sommes au studio son de La Parole Errante et nous vous proposons un plateau radio pour annoncer une date importante du mois de décembre pour les mobilisations contre les violences policières et les violences d'État. Les 12, 13, 14 décembre 2022, le CRS qui a mutilé Laurent Théron passera à la cour d'assises de Paris. Et donc pour redonner un petit peu de contexte sur cette affaire, le jeudi 15 septembre 2016, vers 16h45, après l'arrivée de la manifestation contre la loi travail sur la place de la République, la police fait à nouveau usage massif de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement et de tirs de LBD-40. Laurent Théron, donc 46 ans à l'époque, syndiqué à Sud Santé, reçoit un galet de grenades de désencerclement au visage, ce qui a occasionné la perte définitive de la vue de son œil droit. Pour rappeler, au moment de l'impact, Laurent marchait les mains dans les poches et s'apprêtait à quitter la place alors que la police effectuait des charges à l'encontre des manifestants. Donc ce procès, donc je le répète, qui aura lieu le 12, 13, 14 décembre 2022, donc est un procès où Alexandre Mathieu va comparaître pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Et dans le cadre de ce procès, plusieurs mobilisations de soutien sont prévues. Tout d'abord, donc, aller au tribunal. C'est important de faire de la présence, notamment parce que les collègues du flic vont le faire, vont aussi essayer en fait, d'intimider les plaignants sur ce moment-là. Donc c'est important qu'il y ait du soutien en fait, pour Laurent sur place. Et au-delà donc, de ces journées de procès, il va y avoir aussi plusieurs présentations publiques organisées par le réseau d'entraide, vérité et justice, dont une qui aura lieu l'après-midi du 11 décembre à La Parole Errante, de 14h à 18h. Donc on rappellera un petit peu cet après-midi un peu plus loin dans le plateau. Mais cet après-midi du 11 décembre, il s'agira de faire le procès populaire de la police et des violences d'État et de permettre à tous les collectifs, personnes qui luttent contre les crimes racistes et sécuritaires, les violences infligées par la police, de prendre la parole et de réaffirmer encore une fois que, en fait, il ne s'agit pas de bavure, mais bien d'une violence institutionnalisée. Et pour présenter donc, les enjeux de ce procès, et l'importance en fait, aussi de soutenir Laurent, on a 4 invités aujourd'hui, toutes et tous touchés directement par ces violences, qui luttent depuis maintenant plusieurs années sur cette question, qui forment aujourd'hui en fait, le réseau d'entraide, vérité et justice, donc Fatou, dont le frère Lamine est mort étouffé par la police en 2007. Christian, dont le fils Geoffrey a été touché à l'œil par un tir de flashball en 2010. Et Mélanie, du collectif Les Mutilés pour l'exemple. Et Isaac, Damien, anti-rep. Et pour ajouter un petit mot et dire que ce n'est pas du tout un hasard non plus si on se retrouve aujourd'hui au studio son de La Parole Errante pour faire et enregistrer cette émission, c'est que ça fait un paquet d'années qu'on se croise les unes et les autres. D'abord, bon, parce que La Parole Errante, comme lieu, a accueilli un grand nombre d'initiatives, de soutien et de solidarité sur la question des violences d'État, des violences policières, autour de ces réalités. Et ensuite, parce qu'on est un certain nombre, à La Parole Errante, à participer encore aujourd'hui à un collectif qui s'appelle le collectif 8 juillet, qui s'est créé peu de temps après la soirée du 8 juillet 2009, où, suite à une manifestation, après l'expulsion d'un lieu occupé en plein centre-ville de Montreuil, la BAC a déboulé, a tiré sur les manifestants et avait blessé 6 personnes, dont une très grièvement, qui a perdu son œil. Donc, à la suite de la création de ce collectif, bah, ça a été de longues années de bataille, pas seulement sur le plan judiciaire, mais aussi toute une série de rencontres, de fabrications, d'expertises. Ces rencontres, elles ont notamment débouché à l'époque sur la création de l'Assemblée des blessés. Et donc, au fil de ces longues années, un procès a finalement eu lieu où 3 policiers ont été condamnés pénalement. Une première fois et puis une seconde fois, puisqu'il y a eu un appel par les policiers. Et donc, ce long rallye judiciaire n'est pas terminé aujourd'hui, puisque 13 ans après, il y a une nouvelle échéance le 1er décembre prochain. Là, cette fois, devant le tribunal administratif, ce sera au tribunal administratif de Montreuil, où il s'agira de déterminer la responsabilité de l'État dans l'organisation de cette intervention policière. Et ce qui est en jeu pour nous, c'est la question des indemnisations possibles. Voilà, donc 13 années, c'est aussi cette longueur des combats judiciaires qui nous rassemble aussi un peu aujourd'hui. Et donc, pour commencer, Christian, ton fils, donc Geoffrey, a perdu l'usage de son œil alors qu'il était devant son établissement. Il a été gravement blessé, parce que en fait, l'intérêt justement du réseau, en fait, de pouvoir, c'est que dans les premières heures où on apprend que Geoffrey est blessé, on a reçu un appel du père de Pierre Douillard, Luc Douillard, et qui nous avait prévenu, en fait, médicalement, du pourquoi on perdait son œil après un tir. Et donc, un peu grâce à toutes ces informations, avec les médecins, on a pu lui faire en fait une opération assez rapide, parce qu'il y a une opération technique qui permet justement à ce que la rétine ne se déchire pas. Est-ce que tu peux juste nous dire justement les circonstances dans lesquelles Pierre a perdu son œil aussi quelques années avant ? Oui, on est aujourd'hui le 27 novembre, et c'était le 27 novembre en fait, 2007, où à l'âge de 16 ans, c'était la loi Pécresse, contre la loi Pécresse. Donc devant les grilles du rectorat, il a pris une balle, et lui a par contre définitivement perdu son œil. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans. Et donc Geoffrey, lui, devant son lycée, sur le mouvement donc de la réforme des retraites. Et est-ce que tu peux nous dire, en fait, à partir de là, comment, en fait, vous avez lutté pour pouvoir faire condamner le flic qui avait justement tiré cette balle sur Geoffrey ? En fait, au départ, après l'agression, les flics ont rédigé un procès-verbal dans lequel ils disaient qu'il avait agressé les policiers. Donc les flics portaient plainte contre lui. Et il y a une vidéo après qui est apparue, on s'est aperçu que ça se passait, c'était pas passé comme ça, il n'y avait pas d'échauffourée, c'était une agression. Et donc il y a eu une plainte aussi pour faux et usage de faux en écriture publique. Et comprendre que le policier a été condamné, nous on voulait aussi faire condamner le supérieur hiérarchique Landurin, parce que lui aussi avait dressé un faux procès verbal et lui aussi avait porté plainte contre Geoffrey. Le policier a été condamné, pas la hiérarchie évidemment. Et actuellement, on est encore 12 ans après en procédure civile, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on avait réussi à faire condamner au pénal la préfecture. Et actuellement, en tribunal civil, en fait, ils ont carrément inversé le verdict du pénal et ils demandent à ce que ce soit le policier, donc le fonds d'indemnisation. Donc actuellement, on est en appel, ça va faire 2 ans en décembre, pour contester la décision du tribunal civil. Et est-ce que tu peux revenir sur le contexte dans lequel tu rencontres Laurent Théron, justement ? Alors, tout est lié en réalité, parce que le contexte, on crée des liens un petit peu avant le procès des flics, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui ont blessé les membres du collectif 8 juillet. Et on participe ensemble au procès. Et donc, c'est à ce moment-là où on crée des liens. C'est là, définitivement, où il devient vraiment militant contre les violences policières. Et donc, il devient membre de l'Assemblée des blessés. Et d'ailleurs, pour lui, ce procès, en fait, a été vraiment un déclic pour lui, dire voilà, c'est comme ça en fait que on devrait créer un rapport de force en fait dans un procès contre des flics. Donc là, pour faire le lien, pourquoi on est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, donc il a réussi à avoir un procès, donc aura lieu le 12, 13 et 14 décembre. Et ce qu'il voulait faire en fait de cet événement, c'est surtout le dédier aux personnes qui eux n'ont jamais eu de procès et qui n'en auront jamais. Et donc, c'était l'idée de faire un procès populaire. Alors, au départ, on voulait le faire à l'intérieur du tribunal. Mais on s'est dit, le rapport de force sera trop violent, en fait, vis-à-vis des familles auxquelles qu'on aurait voulu qu'elles témoignent. Et donc, on a créé hors des murs, hors du tribunal, en fait, un procès populaire. Donc, en fait, ça s'est résumé à deux moments. Le 11 novembre, au LAP, au lycée autogéré de Paris, on a fait une première audience, on va dire, où l'objectif, c'était de, par thème, d'amener les familles de tués et les blessés, de pouvoir, en fait, raconter comment leur dossier a été bloqué. Donc les thèmes, c'était les expertises, en fait, les fausses expertises. C'était aussi les faux usages de faux en écriture publique. C'est aussi les modifications de scènes de crime. En fait, c'était vraiment par des faits bien précis, bien concrets. Parce que le but, c'est d'en faire une forme d'outil d'éducation populaire. Et on sait que si on part des faits, c'est beaucoup plus probant après d'arriver à cette deuxième partie du procès populaire, justement, qui va se produire le 11 décembre, qui sera vraiment la mise en accusation, en fait, de la police, mais aussi des institutions judiciaires qui, eux, dans toutes nos affaires, ont essayé de couvrir au maximum, en fait, les policiers, et s'ils n'y arrivent pas, au moins de couvrir la hiérarchie. Et donc, cette première partie, déjà, juste, je rappelle qu'elle est écoutable sur Internet, via des liens qui sont sur le site Désarmons-les ou sur les différents posts qu'il y a sur notamment Paris Lutte Info. On peut écouter l'intégralité en fait, de cette première partie. Et je voudrais juste, Christian, que tu puisses nous parler de la notion justement d'expertise, parce que vous commencez notamment par ça. Qu'est-ce que c'est une expertise dans un dossier judiciaire justement qui concerne la police? Et est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez justement découvert en fait? En fait, on a découvert que les expertises sont les juges qui proposent les experts. Et en fait, le juge pose une question qui n'a rien à voir vraiment avec l'histoire. C'est de démontrer que le flic, en fait, il est innocent. Même l'IGPN, en fait, toutes ces instances qui sont appelées par les institutions judiciaires, elles ne sont pas là pour découvrir la vérité, elles sont là pour monter une vérité judiciaire. Et cette vérité judiciaire, pour nous, c'est ni plus ni moins qu'un mensonge d'État. Parce que l'importance pour tenir un État, c'est de garder sa police, sauvegarder sa police. Donc les institutions judiciaires, elles sont faites pour ça. Moi, au début, j'y connaissais rien. J'étais pas militant des violences policières. C'est arrivé, même le LBD, je savais pas ce que... Flashball, oui, mais LBD précisément, je ne savais pas ce que c'était. Et donc, eux, quand ils font appel à ces experts... Moi, je me suis aperçu qu'en fait, les experts ne répondent jamais en fait, aux questions sur les faits. Ils essaient de toujours trouver en fait, un moyen de dédouaner. Pour Laurent, par exemple, il y a eu un gros problème, c'est qu'il y a une mutilation. Donc normalement, c'est les assises. Et bien, le procureur a réussi en fait, à faire ses conclusions grâce à une expertise qui dit « ce n'est pas... une mutilation, c'est une infirmité permanente. Ce qui n'est pas la même chose en fait en termes de droit, et ce qui amène le flic à aller en correctionnel et non pas en assise. Et c'est toutes ces subtilités qui font que nous, quand on arrive, en fait, on est confronté à la justice, on ne les a pas au départ. Et c'est important, en fait, le lien, la création de l'Assemblée des blessés, qui, moi, personnellement, m'a appris énormément de choses, de l'importance du juridique, ce qui fait que, maintenant, je participe à la coordination anti-REP Paris-Île-de-France, parce qu'on parle beaucoup de juridique. Et donc, on a beaucoup de personnes qui découvrent, en fait, le système judiciaire. Parce qu'on croit au départ en la justice, d'ailleurs, dans beaucoup, même moi personnellement, je l'ai dit publiquement, je crois en la justice. Au départ, c'est au bout de quelques mois, pour certains quelques années, qu'on découvre qu'en fait la justice, elle n'a pas été faite, et elle ne se fera pas, parce que la vérité judiciaire, en fait, ne correspond pas à la vérité des faits. Et donc, on aperçoit que c'est tout un jeu, en fait, un jeu institutionnel, dans le but de trouver en fait le moyen à chaque fois d'absoudre les institutions policières et même les judiciaires. On peut pas porter plainte contre un juge aujourd'hui parce que il fait n'importe quoi. Malik Oussekine, Makome, Amine ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute, la police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « mais que fait la police ?», nous répondons « 18 morts par an, qui osent encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13-12 et nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est par nature cruelle. La police tue à tue-tête et en plus elle fait du zèle. Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence si t'as pas de fortune. Ah, cap dans la tribune, nique la bac au coin de ma rue. Flashball sous nos figures, manif et point de suture. Massives sont les bavures, injustice en couverture. Steve, Zigné, des bounades sont pas les procédures. Rémi, Cédric et Adama, la police tue. La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablettes et smartphones. Pourtant ça fait un bail, bah ouais mon vieux. Depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les vikings. Yeah, devant une personne âgée ou un gamin de la tête, regarde, il propage la guerre en tant que gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas des garibous parmi tous ces types, mais le bon flic a frappé Geneviève, va-t-il pousser Steve? Nique dans Paris sous les tirs, ils ont fait nous des qui. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malekou, c'est qui? Le plus souvent, noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité des campagnes au quartier confiné cité. Des terres alors prends la rue, écris bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors. Yeah, j'dis c'est que nos propres, tu kiffes tes proc. Ça veut briser nos blocs, remixer le 17 octobre. Viser le pogrom, leur ostracisme est colossal. Police, militant, antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en est des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantis. Puis les fera quitter, t'espères transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté, près d'un transfo électrique. Justement sur cette question-là, la question de la vérité judiciaire et de la bataille justement contre ces expertises qui essaient de dédouaner la police, peut-être que Fatou, tu peux revenir justement sur toutes ces années de bataille judiciaire et non judiciaire et comment en fait votre histoire est aussi exemplaire sur la façon dont la justice fabrique des non-lieux et refuse justement de condamner des policiers qui tuent en fait des gens. Donc moi, bonjour, donc, je suis Fatou Dieng, une des sœurs de Lamine Dieng, du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, du collectif Vivolé, et ils sont tous deux membres du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc peut-être le réseau, à savoir que c'est plusieurs, c'est un ensemble de collectifs, de familles endeuillées par la prison, par les forces du désordre, par des comités de victimes blessées et mutilées, et puis d'autres collectifs aussi. Et moi, je vais déjà porter une pensée pour Pierre Douillard. Donc, il a été mutilé le 27 novembre 2007. Un hommage à des victimes tuées, donc à savoir le 21 novembre. Donc, c'était Nicolas Manikakis, qui a été tué le 21 novembre à Thonon-les-Bains. Il y a également Joël, qui a été tué aussi un 21 novembre 2017 à Vienne. Et pour revenir sur l'histoire de Lamine, bah, nous, on a eu plusieurs non-lieux. Donc, la procédure a duré 10 ans et qui s'est terminée et reconfirmée par un non-lieu en 2017. Donc, de là, il a fallu qu'on... Bah, pour nous, c'était fini. Il n'y avait plus de justice possible en France. Est-ce que tu peux justement, bien pour celles et ceux qui ne connaissent pas en gros toutes les notions juridiques, expliquer ce que c'est le non-lieu ? Le non-lieu, c'est il ne s'est rien passé. C'est ça quoi, il ne s'est rien passé. C'est comme si la personne n'avait pas été tuée finalement quoi. Donc oui, il n'y a rien à voir, quoi. Rien ne s'est passé, la personne n'est pas décédée, limite, et qu'ils ne sont pas responsables, quoi, tout simplement. Mais comme dans toutes les affaires, c'est non-lieu sur non-lieu, donc des appels, des non-lieux, et après on passe en cours de cassation qui va encore reconfirmer ce que le juge d'instruction avait annoncé. Donc voilà, donc il faut qu'on passe par toutes ces instances-là pour pouvoir sortir de la juridiction française et aller plus haut. Bah, pour nous, ce qui s'offrait à nous, c'était la Cour européenne des droits humains. Donc on a déposé ce dossier en 2018 et il y a eu la reconnaissance en 2020, en juin 2020. Voilà, c'est ça. C'est parce que dans votre affaire, par exemple, le non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de procès, oui, et il n'y a pas de responsabilité en fait individuelle. On imagine effectivement que vos vies ont été marquées absolument à jamais. Et on a des policiers qui peut-être vont changer de service, mais où il ne se passe rien du tout, quoi. Oui, qui souvent changent de service, sont promus dans d'autres villes. Et souvent, lorsqu'on fait la comparaison dans toutes ces affaires de violence ou de crime, que ce soit pour les personnes blessées, familles endeuillées, on peut retrouver ces mêmes policiers dans les mêmes dossiers, dans les mêmes histoires. Comme par exemple leur avocat, on retrouve dans d'autres dossiers. Les juges ou les procureurs, pareil, on va les retrouver dans les mêmes dossiers. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, de pouvoir s'intéresser à l'histoire de d'autres personnes, d'autres victimes, ou d'aller assister à des procès pour justement voir tout ça et de faire un travail de comparaison, de lien, et d'aller étudier ces personnages. Et que souvent, c'est toujours par des non-lieux que ça se termine. Toujours, ces policiers sont dédouanés et ils sont blanchis, ils sont relaxés. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler justement dans quelles circonstances il y a eu ce drame et justement comment la police très rapidement se dédouane de toute responsabilité ? Déjà, nous, on a su, Lamine a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral. Donc, c'est le 17 juin 2007, à 500 mètres du domicile familial. On a été prévenu 36 heures après les faits, déjà. Donc là, on se pose quand même des questions. À savoir, mais pourquoi autant de temps, ça commence déjà à cogiter. Soi-disant qu'il n'était pas identifié, il était quand même identifiable parce qu'il avait une moto qui était là. Deux jours après, donc ce classement sans suite, rien ne s'est passé. Qu'il fallait après de là porter plainte, se constituer partie civile. Donc tout ça, c'est quand même une demande d'organisation, d'aller prospecter ses avocats, parce qu'on se dit, ça nous tombe dessus. On n'est pas préparé à ça, on n'était pas non plus des militants. Donc première chose, est-ce qu'on transmet aussi à ces victimes ou à ces familles, c'est toutes les galères par lesquelles on est passé. Comment on a commencé à s'organiser, à savoir d'apprendre la nouvelle, tout de suite de se dire, ok, d'accord, là, il va falloir commencer à prospecter les avocats. À l'époque, en 2007, tous les avocats n'étaient pas aussi courageux pour porter un dossier comme celui-ci. En 2007, il n'y avait pas toute cette médiatisation-là. Faire par nous-mêmes notre propre enquête. Parce qu'en lisant les procès-verbaux, ce qui nous a été dit quand on a été à l'IGS, donc qui est aujourd'hui la police des polices, rien que le fait qu'ils nous disent que, à peu près comment ça s'est passé, qu'il y avait tant de policiers sur place et que de là, ils nous disent de porter plainte contre X et de ne pas porter plainte contre les personnes identifiées. Ça aussi, ça nous a mis la puce à l'oreille. Donc là, déjà, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi nous dissuader de porter plainte contre ces personnes identifiées, nous dire de porter plainte, d'insister pour qu'on porte plainte contre X. X, c'est lorsque la personne n'est pas identifiable. Et identifié. Donc c'est notre propre enquête, enquête de voisinage, pour essayer de comprendre les choses entre ce qui a été noté dans les PV, ce qui nous a été dit à la rencontre de l'IGS, de pouvoir faire le regroupement de tout ça, notre propre enquête, les témoignages des voisins, et de pouvoir commencer à aussi, il fallait qu'on se fasse entendre. Donc la problématique au niveau de la médiatisation, d'aller vers ces radios ou autres qui pouvaient nous entendre, commencer à rédiger des communiqués, des appels à témoins aussi, de commencer à placarder le quartier, de commencer à accueillir tous ces personnes, ces militants de quartier, ces associations de quartier ou autres qui venaient à notre rencontre pour justement essayer de nous aider par tous les moyens qu'ils pouvaient, et que nous aussi on commence à nous organiser, commence à organiser des réunions dans le quartier qui était ouverte à tout le monde. Parce que nous, c'était vraiment de pouvoir comprendre, de pouvoir accrocher, de faire un récit avec tous ces petits bouts de d'infos qu'on avait, quoi. Donc, mon frère Lamine Dieng avait 25 ans en 2007. La police a été appelée ce 17 juin 2007 pour tapage nocturne dans un hôtel. C'est eux qui déclarent qu'à leur arrivée, avant de rentrer dans l'hôtel, ils ont trouvé Lamine qui se cachait sous un véhicule en stationnement. Et donc, ils ont interrompu leur mission dans l'hôtel pour interpeller Lamine. Ils disent qu'ils l'ont interpellé pour sa propre sécurité. Lamine ne s'est jamais retrouvé debout. Ils lui ont demandé de sortir de sous le véhicule. Il s'exécutait quand une policière a attrapé ses deux chevilles, a tiré pour le plaquer au sol. Ensuite, elle a pressé les talons d'Achille de Lamine avec sa matraque, pendant que son supérieur hiérarchique faisait l'aller-retour entre la chaussée et le trottoir, entre deux véhicules en stationnement. C'est-à-dire qu'il passait sur le corps de Lamine, en fait, pour aller d'un point A à un point B. Pendant que deux policiers tiraient sur le bras de Lamine, un sur le bras gauche, deux autres policiers tiraient sur le bras droit. Donc ils étaient à cinq sur lui, sur la chaussée. Ensuite, ils l'ont menotté, un bras passé par-dessus l'épaule, je vous montre. Les chevilles attachées avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné au fourgon de police. Ils l'ont posé face contre terre. Et là, ils se sont agenouillés à plusieurs, quatre minimum sur son corps. Ils ne diront jamais qu'il y avait quelqu'un sur la tête de Lamine. Pourtant, il y a 10 hématomes sur la tête de Lamine. Donc, il y en a un qui s'est agenouillé sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin et un sur les jambes repliées jusqu'aux fessiers. Pendant qu'ils étaient sur le corps de Lamine, il a vomi et respiré son vomi. L'autopsie va révéler du vomi dans tout son appareil respiratoire. L'autopsie va dire également qu'il y avait un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Cela veut dire quoi? Que forcément, il y avait un policier qui faisait pression sur la tête de Lamine. Et c'est cette pression sur la tête qui a fait que le cerveau a manqué d'oxygène. Et ce manque d'oxygène fait que le cerveau gonfle. Et il gonfle à un tel niveau, il atteint un tel degré de gonflement qu'il ne peut plus tenir dans la boîte crânienne. Et donc, c'est le cervelet qui se trouve donc à l'arrière de la tête qui commence à sortir par le cou. Lamine n'avait aucune chance de s'en sortir. Il y avait 8 policiers pour un homme. 8. Et parmi ces 8, il n'y en a eu aucun pour dire « ça suffit ». Un homme qui a les 4 membres entravés ne peut rien faire à part respirer. Et ils l'ont empêché de respirer en s'agenouillant sur lui. Le magistrat instructeur va nous refuser la reconstitution sur la scène de crime. Il va également refuser d'entendre les témoins que nous avons trouvés nous-mêmes dans les bâtiments en face. Et donc en 2014, 7 ans après, il va prononcer un non-lieu. Mais entre-temps, en 2012, il a placé les policiers sous le statut de témoin assisté, ce qui leur donne accès au dossier, de coordonner leur défense et leur version de l'histoire, mais sans être vraiment inquiété. Aucun d'entre eux n'a été mis à pied. Aucun d'entre eux n'a perdu ne serait-ce qu'une heure de salaire. Aucune sanction pour eux, qu'elle soit disciplinaire ou pénale. Ils sont en totale liberté. Ils ont été promus entre-temps, pendant que nous, on se battait contre la justice. Il y en a qui enseignent dans les écoles de police dans le Sud. Donc, en 2014, le non-lieu tombe. On fait appel. On passe devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui va mettre un an pour nous confirmer le non-lieu. Donc en 2015, la chambre de l'instruction confirme le non-lieu. On fait encore appel. Et là, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle va mettre 2 ans, donc en 2017, de 2015 à 2017, elle va confirmer définitivement le non-lieu. Cela veut dire quoi ? Qu'il ne s'est rien passé. Un non-lieu, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, les preuves sont dans le dossier. Et des preuves scientifiques incontestables. Mais ça ne suffit pas au magistrat. Parce que sa volonté est de protéger les policiers et non pas la manifestation de la vérité. Donc, fin 2017, au mois de décembre, nous allons porter notre requête à la Cour européenne des droits de l'homme sur 2, 3 articles. L'article 2, le droit à la vie. L'article 3, contre la torture et traitement inhumain et dégradant. Et l'article 6, qui est donc le droit à un procès équitable. La Cour européenne va retenir l'article 2 et l'article 3, mais elle ne va pas retenir l'article 6. Et donc, il y a une nouvelle procédure à la CEDH qui date de décembre 2018. Et donc, cette procédure a vocation à proposer aux parties un règlement amiable. Et donc, cette proposition, la Cour européenne nous l'a fait en octobre 2019. Elle envoie cette proposition à la France, au gouvernement français et à la famille Thuring. Le gouvernement français accepte de verser ces indemnités fixées par la Cour européenne. Et donc la famille a accepté sous les conseils également de leur avocat. Parce que c'est un aveu de culpabilité. Personne, encore moins un État, n'accepte de verser des indemnités à son accusateur s'il n'est pas coupable. Et donc l'aveu, c'est encore mieux que la condamnation. Ils n'ont pas acheté notre silence. Au contraire, c'était la condition sine qua non pour qu'on accepte ce règlement amiable. Et donc, vu que c'est public et que nous sommes libres de notre parole, et c'est ça qu'on veut passer aujourd'hui. C'est ce message-là qu'on veut dire aux gens. À toutes les victimes, ne renoncez pas à vos droits. Battez-vous. C'est dur, c'est long, mais il y a possibilité d'obtenir gain de cause. Notre combat est légitime, c'est pour la vérité, pour la justice, pour l'égalité de tous face à la loi. Et donc, toutes les familles, les 38 familles avec lesquelles nous travaillons depuis déjà quelques temps, elles se battent pour ça. Elles se battent pour que l'État ouvre des procès. On n'en est qu'à là, à exiger l'ouverture de procès quand il y a violence policière. Qu'elles soient mutilantes, blessantes ou alors mortel. Et on n'abandonnera pas. Jamais. C'est pas parce que la bataille judiciaire dans le dossier de la mine est arrivée à son terme que nous, famille Dieng et collectif Vivolé, nous cessons de nous battre. Donc là, on vient d'entendre Ramata Dieng, donc ma sœur. C'est elle qui a porté la lutte depuis le début jusqu'à juin 2020. Donc là, c'est un extrait de sa prise de parole lors de la marche de la 13e année commémorative pour la mine, donc en juin 2020. Et c'était aussi ce mois-là où on a reçu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc par rapport à cette reconnaissance du meurtre de la mine par l'État français, en retenant ces 2 articles de loi, comme elle l'avait précisé, l'article 2 du droit à la vie, l'article 3 qu'il a subi un traitement inhumain et dégradant. Donc pour nous, c'était vraiment la dernière marche. Donc depuis, en juin 2021, on a fait sous un autre format, ici à La Parole Errante, basé sur l'auto-organisation, l'auto-formation, sur le volet de la violence psychologique, violence pénitentiaire, violence juridique et violence policière. Et donc là, c'est vraiment important, les commémorations, parce que c'est aussi au niveau de la mémoire collective, de refaire vivre cette mémoire-là, que nos défunts ne tombent pas dans l'oubli et que surtout qu'on prenne soin aussi des vivants. Donc au sein du réseau, c'est pratiquement tous les mois qu'il y a des commémorations. Là, donc, il y a aussi une date qui est assez importante autour des mobilisations contre les violences d'État, qui est le 18 mars 2023. Et ça aussi, c'est une marche initiée par le collectif Vivolé et d'autres collectifs de familles endeuillées et de victimes tuées. La première en France, initiée par ces premiers concernés, c'était en mars 2011. Et donc depuis, on poursuit maintenant sous l'étiquette du réseau d'entraide Vérité et Justice. Et cette prochaine date, ça sera mars 2023. Aujourd'hui, le réseau d'entraide Vérité et Justice, parmi d'autres collectifs en lutte, fait bloc contre le racisme, les violences et les crimes d'État. Le réseau d'entraide Vérité et Justice, ce sont des collectifs d'ici et là-bas, antifascistes, de familles de victimes tuées par la police et la gendarmerie, des personnes mutilées et blessées par la police, des familles qui ont perdu un proche tué en prison ou suite à des disparitions forcées. Ensemble, nous résistons face aux douleurs infligées par l'État. Nous n'avons pas attendu la médiatisation pour constater que la police, la gendarmerie, la prison violent, mutilent, blessent et tuent. Nos collectifs, ce sont des personnes endeuillées, blessées, mutilées, mais résignées à lutter contre ces gouvernements séparatistes qui cherchent à nous anéantir par des discours nauséabonds, sa politique, ses lois liberticides depuis tant d'années en France. Depuis le gouvernement Macron, le nombre de personnes tuées ou blessées par la police a augmenté d'année en année. Les lois sécuritaires, racistes, sexistes, liberticides ont justifié l'augmentation des moyens des forces de police en les armant davantage, en les privilégiant davantage face à une population de plus en plus criminalisée, contrôlée, fichée, opprimée et précarisée. Malheureusement, pour nous, le danger ne se résume pas à l'extrême droite, ni à quelques individus politiques mal intentionnés, racistes, sexistes, homophobes et xénophobes. Notre oppresseur depuis toujours, c'est le système capitaliste, colonialiste, impérialiste et patriarcal. Depuis toujours, le pouvoir s'est organisé pour sauvegarder ses privilèges en réprimant sa population qu'il exploite, vole et viole. Les violences d'État, partie intégrante de ce système, sont omniprésentes et ont toujours existé et s'étendent désormais à toutes celles et tous ceux qui contestent la politique de ce gouvernement. La semaine dernière, le mouvement des Gilets jaunes fêtait ses 3 ans. 3 ans durant lesquels 32 personnes ont été éborgnées, 6 autres ont été blessées à la main, des centaines d'autres encore blessées, traumatisées par la police, alors qu'elles souhaitaient plus de justice sociale. Force, courage et honneur aux blessés et aux mutilés, et notamment à Mélanie, membre des Mutilés pour l'Exemple et des Réfractaires, qui avec dignité a fait face à son oppresseur, son agresseur fasciste, le commandant divisionnaire GOCRS, en le traduisant devant le tribunal de Paris le 18 novembre dernier. Une grande pensée aussi aux familles endeuillées, comme celle de Joaï, tuée le 21 novembre 2017 à Vienne, de Nicolas Manikakis, tué le 21 novembre 2017 à Thonon-les-Bains, ou de Claude Jean-Pierre, dit Clodo, rendu tétraplégique le 21 novembre 2020. Il décédera quelques jours plus tard. Une pensée en ce jour à Pierre Douillard, blessé à l'œil par un tir de LBD 40 lors de la manif contre la loi Pécresse le 27 novembre 2007 à Nantes. Il avait 16 ans. Ainsi qu'à Geoffrey Tidjani, blessé grièvement au visage, également à 16 ans par un tir de LBD le 14 octobre 2010 lors d'une manifestation de lycéens. Tant de vies brisées, tant de vies volées. Tout notre soutien, notre force et notre amour aux familles endeuillées qui marchent ce jour à Lyon, aux familles et blessées et mutilées dont les dates commémoratives de blessures approchent. Nous apportons tout notre soutien au collectif de familles, de victimes. Nous demandons réparation et justice. Nous le répétons, nous savons qui assassine, viole, mutile et blesse. Ensemble, solidaires, déterminés face à ce système agressif et corrompu, le réseau d'entraide Vérité et Justice soutient la volonté de faire bloc contre la fascisation, où qu'elle se trouve, dans l'État ou les partis. Nous ferons bloc avec les personnes luttant ici, là-bas, en bas à gauche, face à cet ennemi commun. Justice et vérité pour toutes les personnes assassinées, discriminées, exploitées, blessées, mutilées, ni oubli, ni pardon. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix. On vient d'entendre un extrait de la déclaration du réseau d'entraide Vérité et Justice qui a eu lieu donc, pendant la marche contre le racisme du 27 novembre 2021. Je vous invite vraiment à écouter l'entièreté en fait, de ce communiqué sur le site d'Enquête Critique, Faire Bloc. Et donc Mélanie du collectif Les Mutilés pour l'Exemple et Isaac, Damien Antirep, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement qu'est-ce que c'est le collectif des Mutilés pour l'Exemple et pourquoi vous participez aujourd'hui au réseau d'entraide Vérité et Justice? Déjà bonjour et merci de l'invitation, c'est toujours chouette de pouvoir échanger et d'être avec les camarades qui sont là autour de la table. Du coup, le collectif des Mutilés est un collectif qui s'est constitué pendant les mobilisations des Gilets jaunes. C'était à l'initiative de Gilets jaunes, mais aussi de l'Assemblée des blessés, de Désarmons-les. Il était important, au vu du nombre croissant de mutilations, de blessés très graves ou graves sur les manifestations Gilets jaunes, qu'à un moment donné, on puisse être ensemble. L'avantage qu'on avait un peu, c'est qu'en fait, on était déjà militants. Et on se fait mutiler, casser la gueule parce qu'on est militant, mais aussi parce qu'on est de classe pauvre, qu'on est des précaires. Mais nous, on était déjà militants. Donc, c'était déjà peut-être un peu plus facile pour nous de rentrer dans la lutte contre les violences policières. Et donc, avec l'aide, le collectif naît avant mon agression. Donc, je ne suis pas à la création de ce collectif. Mais en tout cas, il y avait une vraie volonté, dès le départ, de mettre ensemble toutes ces victimes des violences d'État, policières, gendarmerie, tous ces hommes et ces femmes en bleu ou en kaki. Donc, naît ce collectif, une première manifestation est mise en place, ce collectif continue à prendre du poids parce que, reconnu dans le mouvement Gilets jaunes, acte après acte, je crois que dans la première année, en tout cas, il n'y a pas un acte où il n'y a pas un blessé grave. Donc, notre collectif, aujourd'hui, on représente 32 personnes. En tout cas, il y a 32 membres dans notre collectif. On est des Gilets jaunes, mais pas que. On est aussi des stadiers, des supporters de foot qui se sont fait mutiler à l'œil. On a aussi des zadistes qui se sont fait mutiler sur les ZAD, des teufeurs qui se sont fait mutiler pendant les teufs ou blessés graves pendant les teufs. Et comme ça, on a un spectre qui s'est vachement élargi parce que les violences policières aujourd'hui sont un peu partout. Et principalement de manière raciste dans les quartiers populaires, le collectif des Mutilés, on a une charte. On est antiraciste, on est antisexiste, on est anti-homophobe. Et donc, on est un collectif qui a quand même les yeux ouverts et qui a du recul. Et on n'est pas spécialement sur la cause des Gilets jaunes, même si la France insoumise joue un drôle de jeu de division des victimes en créant une commission spéciale pour les Gilets jaunes, pour nous donner d'une part un statut de victime et une indemnité. Pardon, mais le mouvement des Gilets jaunes, ce n'était pas ça. Nous sommes sortis pour la justice sociale, fiscale et climatique, et on n'est pas sortis pour les personnes qui portaient un gilet. Du coup, la France insoumise, qu'elle revoie sa copie, qu'elle rentre chez elle, et qu'elle envisage d'indemniser toutes les victimes, et pas seulement ceux qui portaient les Gilets jaunes. Parce que c'est peut-être politiquement correct de dire qu'un gilet jaune ne méritait pas ce qu'il a pris dans la tronche, mais moi, personnellement, Mélanie, je refuse de prendre ce genre de statut. Bref, c'était un... Je suis très en colère en ce moment à cause de ça. Et donc, on est conscient qu'on a la même police. Ils ont la même formation, ils ont les mêmes armes, ils ont les mêmes chefs, ils ont le même ministère. Donc, pourquoi on ferait la lutte de notre côté et pourquoi on lutterait que nous, en fait? Du coup, moi, en tant que membre du collectif des Mutilés, j'ai proposé au collectif de porter la marche des Mutilés pour la voir à Amiens. Et donc là, on a créé un week-end, 3 jours, et je vais laisser Isaac vous en parler un peu plus. Bonjour, donc oui, moi je suis membre du réseau Entraide, Vérité et Justice en tant que soutien, parce que j'ai fait partie du même groupe de Gilets jaunes que Mélanie à l'époque où elle a été agressée et mutilée, blessée à vie par la police. Alors comment on s'est retrouvés en tant que Gilets jaunes, Mélanie victime et nous en tant que soutien à s'associer et à s'organiser avec les collectifs de lutte contre les violences d'État et avec les familles de personnes endeuillées par l'État et la police? Tout simplement parce que c'est aussi celles qui sont venues à nous en fait quand Mélanie a subi son agression. C'est-à-dire que quand ça arrive, en tant que voilà, nous on était des militants amiénois, on était sur la question des Gilets jaunes. On avait déjà commencé à travailler sur la question des violences d'État, enfin, au travers du mouvement, au sein du mouvement. 4 semaines avant l'agression de Mélanie, on organise à Amiens, avec le mouvement Gilets jaunes, une réplique de la marche du 16 mars contre le racisme et les violences d'État, où on va bloquer un dépôt à la zone industrielle d'Amiens en portant des pancartes en hommage à des victimes tuées par la police ces 15 dernières années. Et en fait, quand Mélanie se retrouve blessée, les ressources qu'on va trouver pour savoir comment se battre, les outils qu'on va trouver pour savoir quel chemin à prendre, on va le trouver dans ces collectifs de lutte contre les violences d'État qui ont su venir nous chercher, se mettre à notre disposition. Et une des premières choses dont je me souviens, c'est un article du journal, du collectif Désarmons-les, qui identifie, ou en tout cas rend public, l'identité de Dominique Caffin, qui est donc ce commandant divisionnaire CRS qui a frappé Mélanie à la nuque en avril 2019 au cours d'une manifestation, en lui laissant des séquelles à vie. Et déjà, rien que pour nous pouvoir mettre un nom, un visage, savoir qui est cette personne, et apprendre en plus que dans ce cas particulier, c'était un très haut gradé, une personne très importante de la police, ça a été une ressource énorme pour nous, en fait, à ce niveau-là. Et du coup, très vite, vu que ce travail-là avait déjà été fait au sein du mouvement, et que nous, on reçoit ce soutien, cette aide, ces outils de ces collectifs-là, l'envie, elle vient de faire le lien, quoi, en gros, et de venir approfondir un peu ces rencontres. Et puisque Mélanie est membre du collectif des Mutilés, pour l'exemple, et puisqu'à l'hiver 2019, nous, on a encore un groupe de Gilets jaunes qui est très actif sur Amiens et qui est en capacité d'organiser des gros événements festifs et qui ramène du monde et qui souvent va brasser au sein des mouvements des Gilets jaunes, mais aussi de façon plus large dans la ville et les campagnes autour, on se retrouve à porter, avec le collectif des Mutilés, pour l'exemple, l'organisation de la 3e marche pour les Mutilés. Et en fait, on décide de changer un petit peu la formule qui avait été faite jusqu'alors. Et on se dit, nous, on va faire pas une manifestation simplement. On va organiser 3 jours. 3 jours de rencontres, de débats, de réflexions. Et ces 3 jours-là, on va l'organiser avec les collectifs de familles de victimes. Et on va essayer de montrer comment... L'idée, c'est de le montrer aux Gilets jaunes, en fait, en gros, parce qu'on se rendait compte que c'était beaucoup de gens de la campagne qui étaient loin de ces réalités des violences d'État et qui avaient un travail intéressant à faire et que ces gens-là étaient disponibles au sein du mouvement pour se questionner, pour apprendre, pour venir se nourrir de la parole des premières concernées. Donc voilà, on organise ces 3 jours dans un lieu qui s'appelle le Micmac à Amiens. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on reçoit le collectif Vérité Justice pour Lamine Dieng avec Fatou. On reçoit Awa du collectif Justice et Vérité pour Babacar Gueye. On reçoit aussi Jané du collectif Justice et Vérité pour Ibo. D'autres personnes qui sont venues à ce moment-là, Désarmons-les. Pierre Douillard qui était présent aussi ce week-end-là. Et voilà. Et du coup, il y a 3 jours de discussion, de rencontres où on apprend beaucoup les uns sur les autres. On apprend à se connaître aussi de façon plus personnelle. Et en fait, des suites de ça, on décide de tisser ce combat ensemble, de tisser cette toile ensemble. Et du coup, c'est très naturellement que nous, après, on va intégrer le réseau Entraide, Vérité et Justice. Et voilà. Et ça nous a suivis puisque Mélanie, elle est mutilée en avril 2019. Le procès de Dominique Caffin, qui, quand il est jugé pour ce coup, c'est à l'hiver 2021. C'est très long. Et ça a été compliqué pour beaucoup de gens, notamment au sein du mouvement Gilets jaunes, de pouvoir tenir sur la longueur et de pouvoir nous suivre. Et en fait, quand on est au procès de Caffin et qu'il faut soutenir Mélanie, qui est là? Les victimes, le réseau, les collectifs contre les violences d'État. Et voilà. Et du coup, à partir de là, pour nous, c'est le plus naturel du monde de poursuivre le combat avec ceux qui ont été là pour Mélanie, pour nous, et de pouvoir faire bénéficier, comme nous, on a pu bénéficier de l'expérience des familles comme Fatou, qui, après 15 ans, après avoir été au bout des procédures, pourraient décider de rentrer chez elles et puis de faire autre chose. Et non, elles sont là, elles nous font bénéficier de leur expérience. C'est très riche pour nous. Et du coup, nous, on va faire pareil. Et c'est pas parce que le policier Dominique Caffin, il a été acquitté. Pour nous, ça veut rien dire. On va continuer le combat et on va se servir de notre expérience, des échecs dans la lutte pour la justice pour Mélanie, pour pouvoir apporter des ressources, des outils aux prochaines victimes qui ne manqueront pas d'arriver, parce que tant qu'on aura l'État et la police comme ça, ça continuera. Parce que pour moi, en effet, c'est terminé. C'est-à-dire que je ne fais pas appel de la décision puisque, quoi, en fait, si mon avocat m'a poussé à faire appel parce que, soi-disant, ça allait faire jurisprudence pour un autre de ses clients. Mais moi, si je fais appel, c'est juste pour les indemnités. Personnellement, je n'ai jamais voulu d'argent. Je voulais ses médailles et je voulais qu'il soit dans un bureau parce que c'est un mec de terrain et c'est un mec qui se la kiffe à tabasser les gens sur le terrain. Donc moi, j'avais deux objectifs. C'était qu'il reste dans un bureau et de lui prendre ses médailles parce que Castaner avait dit que tous les policiers qui seraient inquiétés dans une affaire de violence policière, on lui enlèverait les médailles. Il faut savoir que ce monsieur a quand même la Légion d'honneur et qu'il fait partie de l'équipe de policiers que Castaner a décoré au départ du mouvement des Gilets jaunes. Nous, on s'appelle Mutilés pour l'exemple, pour ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait de nous des exemples pour que les gens rentrent chez eux. Le mouvement des Gilets jaunes, ils n'ont pas réussi à le gérer. Et du coup, ils nous ont tapé fort, ils nous ont mutilés fort. Ils nous ont fait judiciairement notre mouvement. On sait que quoi, c'est pas pour rien qu'après les Gilets jaunes, qu'on embraye sur Amiens anti-rep. Parce qu'on sait, ne serait-ce que dans le mouvement Gilets jaunes, on en a encore là pour 10 ans de procédure judiciaire. Et voilà. Donc, on sait qu'on en a encore pour très longtemps. Et fort de tout ce que nous a transmis ces collectifs, et ben nous aussi, à notre tour aussi de transmettre et de pouvoir donner ces outils, cette force qu'on nous transmet. Parce qu'il faut être clair, si aujourd'hui nous on a la parole, c'est parce que ces familles-là, ces victimes-là, ont ouvert la voie. Et que si pour nous aujourd'hui c'est plus facile de pouvoir dire les choses et que je puisse dire aujourd'hui que Dominique Caffin est un agresseur et mon agresseur et qu'il a tenté de me tuer, et ben c'est parce que ces familles-là et ces militants nous permettent ça en fait. Et ce que j'ai envie d'ajouter quand même, c'est que c'est aussi un geste politique très fort d'avoir justement fait ce lien-là qui, pour effectivement un certain nombre de personnes, comme tu l'as dit par exemple quand tu as évoqué cette commission parlementaire qui, comme tu disais, divise les bonnes et les mauvaises victimes. Et vous avez fait ce lien-là, donc c'est très fort aussi de votre côté d'avoir fait ça. En fait, c'est... tous les gilets jaunes ne sont pas des gens de la campagne non plus. Moi, par exemple, je suis issue des quartiers populaires et à Amiens, notre ville, les gilets jaunes, c'était essentiellement des gens de quartiers populaires. Aussi, quoi. Ouais. En fait, à Amiens, du fait de la composition du groupe des réfractaires aussi, peut-être particulièrement, où en fait, c'était un groupe qui était composé à moitié de personnes qui vivent dans les campagnes autour d'Amiens, mais il y avait aussi un gros bloc de notre collectif qui était des habitants des quartiers populaires d'Amiens, en particulier du quartier Nord. En fait, il y avait ce savoir, cette expérience du fait que ces armes, avant d'exister dans les manifestations, elles ont existé dans les quartiers. Et elles ont été utilisées pendant des années sur des populations et qui n'arrivaient pas en manifestation. Et c'est parce que ces armes ont été utilisées là-bas, que l'impunité s'est organisée là-bas, que ces injustices se sont organisées là-bas, se sont normalisées, se sont banalisées, qu'on a pu après, que l'État a pu après déployer ce niveau de violence dans d'autres espaces, et notamment la manifestation des Gilets jaunes. Et nous, on se sentait, voilà, ces tirs de flashball qu'on a pris, enfin que les Gilets jaunes ont pris dans le visage pendant les manifestations, et ben c'est l'écoche qui a été ratée en 2005, quand il y a eu la révolte des banlieues, et qu'il y a eu que les gens ont réclamé l'interdiction de ces armes mutilante et tuante, et que dans les campagnes ou ça, dans certains secteurs de la population, les gens ont été sourds à ça, quoi. Et du coup, ça, on l'a payé très cher. Ça a mis 15 ans, mais les gens l'ont pris dans la figure. Et du coup, il y a aussi cette prise de conscience de se dire, si on avait arrêté cette machine-là avant, peut-être que nous, on aurait été traités différemment. Et peut-être que ces armes-là, si on les avait interdites quand elles commençaient déjà à mutiler et tuer dans les quartiers, on ne les aurait jamais vues apparaître en manifestation. Et du coup, pour nous, c'était simplement logique, en fait. C'était inentendable de venir se concentrer uniquement sur cette histoire de 2018 et ce qui se passait à ce moment-là sans comprendre d'où ça venait, parce que voilà, si on veut vraiment que ces choses-là cessent, s'arrêtent, c'est pas arrêté pour l'un et que ça continue pour l'autre, c'est pour tout le monde ou pour personne. Donc pour nous, c'était logique de faire le lien avec ça, quoi. Après, comme on l'entend dans l'entièreté donc du communiqué Faire Bloc, donc qui est disponible donc sur YouTube aussi, donc sur la chaîne du réseau d'entraide Vérité et Justice. Donc il suffit de taper Faire Bloc, je pense, réseau d'entraide Vérité et Justice. Justement, on voit bien que vous faites bien le lien justement de toute l'histoire longue en fait des violences d'État, des violences policières, de toutes ces luttes. Vous allez de 17 octobre 61 à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en ça, le réseau d'entraide Vérité et Justice est riche justement de tout, de toutes ces analyses, de tous ces enseignements. Et peut-être que vous pouvez, du coup, pour conclure, rappeler l'idée de ce procès populaire qui va être fait donc, dans le cadre, donc, dans le contexte, on le rappelle, du procès d'Alexandre Mathieu, donc, qui a lancé cette grenade qui a mutilé Laurent Théron. Et c'est l'importance, en fait, justement, de ce procès populaire, issu de toutes ces expériences, de toutes ces dernières années. Pour nous, c'est vraiment important, justement, c'est ce qui avait été dit, c'est-à-dire de faire le lien entre la répression et l'oppression. C'est quelque chose qui était important pour nous dès le départ, avec le collectif l'Assemblée des Blessés, parce qu'il y avait des personnes d'origine différente, en fait, de milieux d'environnement différents. C'était la ZAD, c'était les stades de football, c'était les quartiers populaires, même les mouvements, en fait, les mouvements sociaux dans les quartiers populaires. Parce que beaucoup, en fait, d'idées, d'actions, en fait, depuis toutes ces années, incite en fait les personnes à faire ce que j'appelle le saucissonnage. Là aujourd'hui, on parlait du statut gilet jaune. Hier, on parlait au Conseil d'État de l'interdiction des LBD, des armes en fait létales en manifestation, mais pas en, on parlait pas des quartiers populaires. Et donc sans cesse, en fait, il y a en fait une volonté de nous diviser. Et le lien est dès le départ, l'Assemblée des Blessés, c'était vraiment ça au départ. C'était de pas juste mettre un groupe de personnes venant du même environnement. Là, on s'était retrouvés, c'était un samedi dimanche 8-9 novembre, où là, on s'était retrouvés, en fait, avec des personnes. Même moi, j'ai découvert la ZAD, j'ai découvert le monde, l'écologie, je l'ai découvert à ce moment-là. J'ai découvert certaines violences d'État à ce moment-là. Les prisons, je les ai découvertes. Et ça nous a permis d'être riches en termes d'enseignement. Et en même temps, de pouvoir essayer de trouver des dénominateurs communs. Parce que je crois que c'est ça, c'est la recherche de dénominateurs communs qui va permettre justement de créer un vrai rapport de force. Et donc, par rapport au procès justement qui est là, en fait, on a voulu créer une articulation justement entre ces différents environnements qui subissent en fait la violence policière, les violences d'État. Et pour que, à la fin, en fait, parce qu'on sait comment ça va se terminer en fait qu'il y a une règle, il y a une fabrique de l'impunité, et même avec les nouvelles lois, c'est une fabrique de l'immunité. Je pense qu'il va falloir même retravailler en fait ce discours, parce que là, les lois, en fait, même le 435-1, ça devient de l'immunité, parce que l'impunité, ça veut dire qu'on fait un dossier, et puis qu'à la fin, en fait, on fait un non-lieu. Là, il n'y a même plus de dossier. C'est pour ça que c'est important qu'on participe à une veille juridique, de voir un peu, point de vue judiciaire, de point de vue des lois, en fait, une veille législative, parce qu'il y a des lois qu'ils essaient de faire passer, par exemple d'interdire les familles de victimes et victimes de pouvoir se porter partie civile, alors qu'en fait, il y a un procès verbal qui est faux, qui dit qu'en fait, la personne est criminalisée. Et c'est là l'intérêt, en fait, des procès qu'on veut mettre en place. En fait, que ces procès populaires, c'est vraiment de créer un rapport de force. Et on a besoin de tout le monde, comme vous avez besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Et donc, ce procès-là, c'est vraiment... Faut remercier Laurent qui a eu cette idée-là. Laurent a eu cette idée, c'est bon, moi je suis un blanc, je suis syndicaliste, tout ça. Ça va, ça a l'air d'être passé crème pour moi. Mais... il dit, et les autres, en fait. Et c'est parce que, en fait, c'est toutes ces années où nous avons passé, en fait, des moments ensemble. Nous avons combattu ensemble, nous avons été dans les procès ensemble. On s'est pris des PV ensemble de mai contre les flics d'Alliance. Où là, il y a un combat, on se bat à chaque fois qu'Alliance se bouge. Ben, nous, on va bouger. Je pense que c'est ça, en fait, le rapport de force, c'est de dire, on sera là, on va vous ennuyer. Et ce procès populaire, eh ben, c'est le but, c'est ça aussi. C'est de mettre en fait en évidence la réelle impunité des flics grâce à cause du système judiciaire. Juste ce tribunal populaire, ça permet à ces familles endeuillées qui n'ont jamais eu de procès et aux victimes qui n'ont jamais eu aussi de pouvoir imaginer comment est-ce que ces personnes auraient aimé que leur tribunal, leur procès se passe. Et aussi de pouvoir laisser aussi cette place aux personnes qui sont en attente de procès ou les nouvelles victimes, les nouvelles familles endeuillées, de s'imaginer et de se représenter comment un tribunal pourrait se faire. pourrait être menée. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Il faut venir pour le tribunal populaire le 11 décembre, venir aussi remplir les tribunaux dès qu'un agent assermenté est traîné au tribunal, pour justement voir aussi comment se déroule un procès quand ils sont mis en cause. Et donc, c'est là aussi tout l'intérêt, c'est que la police, que les gendarmes, que les tribunaux voient que la victime n'est pas seule et que derrière, il y a de la force et qu'il y a de la détermination. Merci à tout le monde d'être venu, de votre invitation. On rappelle vraiment très, très important donc, la présence le 12, 13, 14 décembre pour soutenir Laurent, mais aussi, on a bien compris, toutes les autres victimes proches de crimes et de violences d'État. Donc, ce sera à Paris-Cité, parce que c'est la cour d'assises. Donc, Métro-Cité. Vous trouverez, on mettra toutes les informations, évidemment, sur le site de La Parole Errante demain, mais aussi, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les réseaux sociaux et notamment sur le Facebook du réseau d'entraide Vérité et Justice qui met vraiment à jour toutes ces dates de mobilisation très importantes. Et on vous attend aussi le 11 décembre à La Parole Errante, donc pour la suite du procès populaire. Et pour celles et ceux qui ne pourraient pas suivre et venir ici, on fera bien attention à bien retransmettre en direct l'après-midi, donc soit via YouTube, soit via le canal de diffusion de la radio de La Parole Errante. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leur violence deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme, unique forme de réponse. Tant que la justice les soutiendra, et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rats en bleu qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les vers. Je veux pas que mes clips poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, 13-12, NODJA. Cours, ils les ont dégainés les LBD. A chaque manif, j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutiné auprès du capitaine Akab. A tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance. On parle plus de faits isolés mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche il y a déjà 20 ans à Lille. Un triste mois d'avril, d'une balle dans la nuque, un brigadier tu ris, Adam Laoui, encore un jeune buté gratis. Un flic muté à Nice, une justice complaisante, toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité l'histoire ne fait que bégayer, qu'il faut encore batailler pour voir leurs machines s'enrayer. C'est l'heure de combattre les élites, leurs séides et ceux que nous nommons j'tard. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, j'hais et Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, j'suis abrupt, intrépide, et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sable. Alors des corps rimes, on les embrase. Peu respire, ce qu'on demande c'est d'avoir une police sans armes. Et le mot que j'ai griffonné dans le sable, tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blast. Pas de ceux qui rigolent des temps graves, les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise donc obligé de mener la guerre à notre tsar. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure je reste à la ville. Trop d'amis s'y sont marqués par la vie, les aider le rôle que je donne à mon art. Ils ne protègent pas le peuple mais l'économie. Gère les tessis comme dans les colonies. Formés au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. 1. Ils nous aiment pas mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes. Tu reconnaîtras le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les porcs. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les vicis. Les jeunes qui le tuent et prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Tu t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JD. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire dira que c'est pour la paix, le front la France des colonies. Au front ça tape la garde à vue, la zone c'est ça, tu le gardes à vie. Tout si je suis à Matoukoumé, je suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu. Pour un délit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions. Ce serait trop facile de crier, mais tout le monde aime la facilité. Majeur en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amont, sabre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État. Et à force on les esquiveux, mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes videurs dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne. Le glace fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus bâches. Toujours une explication parle de son bon usage. Tu finis ensemble même si t'es venu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus d'âge. On tire l'école, les cierges, la garde mobile. D'autres les appels, les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On prend les armes, le monopole de la violence légitime. On prend les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine et mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se taise car les dossiers s'empilent. Et que les futurs bâtards s'empressent pour que ça recrute dans cette école du crime. La police tue. C'est pas le sujet que les infos diffusent, c'est la folie pure. Cherche une autre issue, mesure d'étranglement. Les noirs ou arabes en France, ils vivent dangereusement. Contrôle de routine, personne pour secourir. Comment dire à un proche qu'on a peur pour lui? Bande de keufs pourris, bande de meurtriers. J'éviterai les insultes, pourtant le cœur y est. Parce qu'il s'avère servir les villes, c'est fucking cerbère. Ils rendent service à l'élite et sévissant le peuple. Parce qu'ils peuvent tuer impunément, sont si fiers d'eux. On devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en quadrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais l'eau de gaz, leur appeler à chaque quart d'heure. Tous les flics ne sont que des traîtres, puis j'en bave de rage. J'suis grillé comme la Gaule dans un survêt loto. Ou pire que ça, comme De Gaulle dans mon pays, le Congo. Ils jouent les Robocop, j'y ai goûté très tôt. Taser, flash, bleu, sport national, course, poursuite dans le ghetto. Ça me rappelle l'époque de Georgia, oh my man. J'écris allô, Marianne, ce lynchage, y'en a marre. Vos étoiles sont profanes, ils le tient pas que gendarme. La seule police qu'on aime, c'est celle de Sting, Roxanne. De nombreux psychopathes, sur des gilets pare-balles. Des brutes épaisses pour protéger le capital. J'ai vu la peur comme outil politique fondamental. On assassine aussi bien avec des armes non létales. Avec un lanceur de balles, on ne fait pas dans la dentelle. Et les bavures ne sont jamais vraiment accidentelles. Au ministère comme à l'antenne, mensonge en permanence. Dans ses regards, ses silences, la police et la violence. L'ami, je crois que c'est dans l'air, la violence. Faut que t'encaisses quand dans les magnifiques quartiers, la police se ramène et rapidement crée l'enfer. Les victimes, on les enterre. Mais qui ose nier le racisme alors que pour eux, un meurtre est un traitement exemplaire. Shoot les drones que l'on voit se pavaner dans le ciel. Tellement d'étoiles dans les yeux quand on voit que des gens se lèvent. Dis-toi que les concessions, on n'est pas prêt d'en faire. Faut changer la police et pas dans le traitement. J'attends que Desterme le prochain gus sans mandat complexe. Qui verra les images et me dira qu'il a dans le contexte. Pitié, donnez pas d'armes à des mecs bourrés. Si tu vois un noir courir, c'est que c'est la mère courée. Parce que si tu n'as pas la gueule à Michael et Culkin, ton meurtre par un bleu zélé sera pas reconnu comme crime. Payer des impôts pour se faire shooter, je suis confus. Imagine, j'ai l'impression de payer l'État pour qu'on me fume. Qui parle encore de bavure, d'accident ou de maladresse, ils font juste leur boulot. La note s'aggrave et j'en vois trop peu qui passent à la caisse. J'allume un feuille à chaque 13 décembre. La rime perce, défense, ça sera peut-être moi le prochain à me faire descendre. Et fais pas le commis master, rap pour les maudits parias. Bleu marine et rouge chant dans tous les commissariats. Est-ce que tu sais comment ces backpunks procèdent? Les meurtriers sont décorés comme des sapins de Noël. J'ai pas vu la justice sous leur sapin de Noël. Mais la haine qu'on suscite quand on atteint nos rêves. Desserre les molaires, faut qu'ils prennent des molars pour plumer la volaille, je ferai du bénévolat. Et c'est plus grave, je connais le prix d'une larme. Combien au prix du grade et combien au tribunal. Non, je simule pas, ma haine est immuable. Mon âme est bien plus clean, même si j'ai la figure sale. Faciès outrageant, versus monsieur l'agent. Race sera la proie, elle bronzée a toujours bon foie. Sous leur poids, tu meurs lentement. T'es plié, étranglement. Chasse à court, tu seras cobaye. Par choqué par la flicaille, il avait 20 printemps. Voulait voir la mer, dit tu es grand pour le faire taire. La prison l'enterre. Pas de justice, mais toujours suspect. Victime sera le criminel. On reconnaît bien la griffe du colon sous le bleu. Leur méthode est coloniale, le contrôle est racial. Matel indigène, le sauvage, l'animal. Chaque jour il te rappelle qu'ici c'est pas ton bled, que ta couleur est trop laide, que ta présence les obsède. Et tu risques la hogra à chaque fois que tu leur tiens tête. Tu risques un tribunal à chaque fois que t'écris un texte. Tellement ils nous oppressent, tellement je me répète, tellement ils nous agressent, tellement je les déteste. Et on a répété, répété, répété, répété. Ça use 13-12 minutes de plus pour vous traiter. Ça fait pas de mal, nous on n'a pas de pare-balles, ni les moyens de la juge pour enquêter. Pour enquêter. Ouais. Qui vous raquettez? Des noirs et des arabes et quelques plans bien endettés. Bien endettés. Mandat de dépôt chez les suppôts de Le Pen, générateur de peine et d'anxiété. J'entends des All Life Matter, putain t'y es pas. Bien sûr toutes les vies comptent en fait, c'est même pas un débat. C'est pas dans quel état ça me laisse. Les choses ne peuvent pas changer si tu restes dans ton color blindness. Pourquoi tu fixes mon doigt quand je pointe la lune? Tu capteras peut-être plus vite avec un genou sur la nuque. T'entends racisme à toutes les sauces et ça dégouline dans ton fil. T'es fatigué d'en entendre parler, imagine ceux qui le vivent. Hey. Tu sors de chez toi, les keufs te contrôlent à tort et à travers. Tout ça pourquoi? Pour un simple regard de travers de bord. Tu te retrouves au poste, là tu dis que c'est pas qu'un cliché. Tout ce que les rappeurs racontent sur les flics, police, racisme et politique, vaste communicant. La prochaine pavure, tu crois que ça va se terminer comment? Come on, big, je suis pas né du dernier des camps. Pour moi, le préfet l'allemand, c'est juste le premier des cons. Les directives viennent d'en haut d'une autre caste. Tombent en cascade sur les képis et les casques. Forcés à encastrer les leurs sans trop de questions. Les dirigeants cassent. La pression précède à l'oppression. La sanction dans les deux camps, c'est ça l'idée. Changer les termes, changer les mentalités. Le peuple doute de sa sécurité alors qu'il la paie. Les forces de l'ordre ont remplacé les gardiens de la paix. Peut-on pardonner à un flic? Peut-on pardonner le racisme, les violences gratuites, les coups qu'on nous a donnés? Devrions-nous ne pas pleurer les victimes? Accepter le cynisme, fermer les yeux comme ceux qui nous dirigent. La police assassine, étrangle et prend pour cible les mêmes minorités que visent les discours politiques. Y'a pas d'hasard qui tienne, c'est volontaire et codifié. La violence légitime n'existe que pour dominer. Hé hey, Darmanin, check bien ton reflet dans les flaques de pisse de ta vie de chien. Plus ce monde t'a échoué par le trou de balle. T'es qu'un frotteur de bus, un pointeur de plus. On te fera glisser le ton factus sec dans les amygdales. Le feu dans les bleus, les yeux dans les yeux. S'il pleut des trottinettes, c'est parce que la rue rejette le non-lieu, la banlieue au milieu. Logo zone commando, rate des villes et radicaux. El pueblo unido déboulonne le comico.